Thank you. que là, quoi, tu vois. Non, j'aurais bien, mais là, c'est pas... Non, bon, bon, bon, bon, bon, bon, c'est un peu bon. Thank you. Sì!